salut. Ride a skill life, l'ambiance salut. Les viewers prêts, tous connectés dans ce stream. Le temps suspendu, pixel danse, foule éveillée. Message bat, rythme mêlé. Connexion rare qui s'installe. Chante plus, ce qui précise plus. Moi, c'est les mains ouvertes.